J'aime les filles faciles. J'aime les filles faciles. À force de traîner de bar en bar, de café en café, de chercher sur des bouts de comptoir des amours de papier, d'avoir été déçu plus de 100 fois, que dis-je pas sans mes mille. J'aime les filles faciles. À force de râteaux, de rater, de pelles qu'on a manqué, de porte dans la gueule, de rester amis après un vent glacé, de se retrouver tout seul, de toujours tomber sur des filles qui disent ça va pas être possible. J'aime les filles faciles. Moi je suis de ceux-là qui aiment les filles faciles, c'est qu'elles semblent si rares, les filles pas compliquées. Y'en a beaucoup de géniales et pas mal de terribles. La plupart est patente, fatale ou à tomber. Mais rien ne remplacera jamais les filles faciles. J'aime les filles faciles. À force de pieds de grue, de rendez-vous manqués, de malheureux lapins posés par des biches qui avaient du chien et me faisaient poireauter, de recarotter, d'invitations tronquées à la rade des villes. J'aime les filles faciles. Force de surprise à la fédo, le passage où le mari rentre candide, d'être cocufié même par les plus sages, même par les frigides, d'avoir eu plus de cornes que tous les dinosaures, maintenant je suis tranquille. J'aime les filles faciles. Moi je suis de ceux-là qui aiment les filles faciles, c'est qu'elles semblent si rares, les filles pas compliquées. Y en a beaucoup de géniales et pas mal de terribles. La plupart est patente, fatale ou à tomber. Mais rien ne remplacera jamais les filles faciles. J'aime les filles faciles. À force de nuits blanches passées à s'expliquer, de fâcheries sévères pour des courses pas faites ou une malheureuse bière d'engueulade corsée, à force de prise de bec, de rogne, de bisbille, d'échanges difficiles, j'aime les filles faciles. À force de ses parents qui n'aiment pas leur gendre et viennent tous les samedis, de ses caprices à elle pour partir dans les Flandres malgré un temps pourri, de week-end à Florence qui te sortent par les yeux de la tête tellement c'est cher cette ville. J'aime les filles faciles. Moi je suis de ceux-là qui aiment les filles faciles, c'est qu'elles semblent si rares, les filles pas compliquées. Y'en a beaucoup de géniales et pas mal de terribles. La plupart est patente, fatale ou à tomber. Mais rien ne remplacera jamais les filles faciles. J'aime les filles faciles. À force de ses baisers, de ses gentils je t'aime sans autre arrière-pensée qu'un amour en bois brut, à force de s'écouter, à force de poèmes, à force de fou rire tellement qu'elle est marrante, genre merde, les difficiles. Je l'aime. Je l'aime. Moi je suis de ceux-là qui aiment les filles faciles, c'est qu'elles semblent si rares, les filles pas compliquées. Y en a beaucoup de géniales et pas mal de terribles. La plupart est patente, fatale ou à tomber.